السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nous adressons les louanges à Allah et nous lui demandons de couvrir d'éloges et de saluer son serviteur et messager, notre prophète Mohammed, ainsi que sa famille et l'ensemble de ses compagnons. أما بعد فنحمد الله تبارك وتعالى على أن هيأ لنا مثل هذا المجلس نجتمع فيه على ذكر الله تبارك وتعالى انطلاقا من مبدأ التواصي بالحق والتواصي بالصبر، وانطلاقا من مبدأ التعاون على البر والتقوى، ونسأل الله تبارك وتعالى الإخلاص في القول والعمل والتوفيق والسداد. On adresse les louanges à Allah tabaraka wa ta'ala, notamment du fait qu'il nous permette de nous réunir ce soir afin de l'évoquer. En partant d'un principe fondamental parmi les principes fondamentaux de cette religion, à savoir le fait de se recommander mutuellement la vérité et de se recommander mutuellement l'endurance, et en nous basant également sur le principe de l'entraide dans la crainte pieuse d'Allah et la piété. Nous demandons donc à Allah tabaraka wa ta'ala la sincérité dans les paroles et actes, de même que nous lui demandons de nous assister afin d'atteindre la réussite et la justesse. Wa mawdu' al-hadith fi hadhihi al-layla mawdu' muhim wa li'ajli أن نتدارسه سنقف قليلا مع رسالة ألفها علم من أعلام هذه الأمة، ألا وهو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فمما ألفه رسالة سماها ستة مواضع من السيرة، سماها ستة مواضع من السيرة، وهي رسالة نفيسة يحسن أن يقرأها المسلم ليقف على ما تضمنته من المعاني الجليلة التي استخرجها المؤلف الإمام من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. Le sujet qu'on va aborder ce soir, si Allah le veut, est un sujet d'une importance capitale. Et afin de le traiter, on va s'arrêter quelque peu sur certains enseignements qui ont été exposés par un grand personnage parmi les grands personnages de cette communauté, qui n'est autre que le cheikh de l'islam, Mohammed ibn Abdel Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. ce grand imam, parmi les livres qu'il a écrit, il y a un livre, ou un livret intitulé « Sittatu mawadi' min as-sira », six événements de la vie du prophète. Ces six événements-là, qui ont été sélectionnés par le shir, par l'auteur, six événements desquels il a tiré des enseignements très importants, et il est bon et recommandable que tout musulman accorde de l'importance à ce que peut contenir ce livret très instructif. وَمِمَّا قَالَهُ الشَّيْخ فِي مُقَدِّمَةِ هَذَا الْكِتَابِ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولعل هذا الكلام من الذي قرأ على الشارح كلام المؤلف فكلام المؤلف يبدأ بتأمل رحمك الله ستة مواضع من السيرة وافهمها فهما حسنا لعل الله أن يفهمك دين الأنبياء لتتبعه ودين المشركين لتتركه فإن أكثر من يدعي الدين ويدعي أنه من الموحدين لا يفهم السنة كما ينبغي. Le shir a commencé son livre et nous n'allons pas lire le livre en entier, mais nous allons nous contenter bi'idhnillah d'en lire cette brève introduction, puis d'en lire un passage concernant le sujet que nous souhaitons aborder ce soir, et demain soir bi'idhnillah nous lirons un second passage. Et on lit l'introduction et on essaie de la traduire afin de comprendre le but pour lequel l'auteur a écrit ce livre. Il a donc dit: analyse, qu'Allah te fasse miséricorde, et médite sur six événements de la vie du prophète et cherche à les comprendre correctement afin qu'Allah te fasse comprendre la réalité de la religion des prophètes afin que tu puisses la suivre et te fasse comprendre la réalité de la religion des polythéistes afin que tu puisses t'en écarter. Car la plupart de ceux qui prétendent la religion ou qui prétendent faire partie des monothéistes ne comprennent pas la sunna comme il se doit. Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Al-Fawzan, حفظه الله تعالى, قال تعليقا على هذه المقدمة: السيرة المراد بها سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم, وهي الطريقة التي كان يسير عليها الرسول صلى الله عليه وسلم منذ بعثته إلى أن توفاه الله عز وجل, سواء كان في العبادة أو في المعاملات وفي الدعوة إلى الله عز وجل وفي الجهاد والهجرة وفي التعليم, فكل أفعاله وأقواله وتصرفاته صلى الله عليه وسلم هي سيرته. وهذا أمر مهم أن المسلم يدرس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقتدي به, لأن الله جل وعلا قد جعله قدوة لنا. Ici, le cheikh a expliqué ce qui est voulu par la sira, ce que l'on traduit par la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça correspond à la voie que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a suivi depuis le moment où il a été envoyé comme messager, prophète et messager, jusqu'au moment où Allah tabaraka wa ta'ala l'a fait mourir, que ce soit en termes d'adoration ou en termes de relationnel ou dans ce qui est relatif à la prédication, à l'appel vers Allah, ou ce qui est relatif au sujet du djihad, ou au sujet de l'émigration, et également en termes d'enseignement. Il faut savoir que ces actions, ces paroles et ces divers agissements correspondent à sa biographie, sallallahu alayhi wa sallam. Et il est important que le musulman étudie la biographie du messager, sallallahu alayhi wa sallam, afin de pouvoir le prendre comme modèle. Étant donné qu'Allah tabaraka wa ta'ala en a fait un modèle pour nous. قال سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر فهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام فلندرس سيرته من أجل أن نقتدي به في ذلك وهذا هو المطلوب من دراسة السيرة والتفقه فيها ليس المقصود أن السيرة تقرأ في مناسبة مبتدعة مثل مناسبة المولد فإن هذه القراءة لا تسمن ولا تغني من جوع لأنها ليست للتفقه فيها وإنما هي للتبرك جريا على العادة فقط فلا تفيد شيئا لأن تخصيصها بوقت معين ثم تطوى هذا الأمر ولا ينفع ولا يفيد السيرة مطلوب دراستها دائما ولا نقصد بالدراسة مجرد أننا نقرأها من أولها إلى آخرها ونقول قرأنا السيرة لا لا بد أن نتفقه فيها ونقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله هذا هو المقصود. Le shir ici a fait mention de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Dans la traduction approximative du sens est la suivante: il y a certes pour vous dans le messager d'Allah un bon modèle pour quiconque espère en Allah, espère Allah et le jour dernier. Il est donc notre modèle, sallallahu alayhi wa sallam. Étudions donc sa vie afin de pouvoir le suivre comme il se doit. Il faut savoir que le fait d'étudier la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas uniquement le fait de la lire durant certaines occasions innovées, telles que l'occasion de la célébration de l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça fait partie des coïncidences justement que l'on lise ce passage à cette période-là, étant donné que nous sommes dans une période où bon nombre de ceux qui se réclament de l'islam, et c'est ici une parenthèse que je me permets d'ouvrir, célèbrent l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut savoir que cela n'a aucune base dans l'islam, ni dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, ni dans les agissements de ses compagnons, ridwanullahi alayhim, ni d'aucun parmi les personnages des trois générations privilégiées de cette communauté. Et ce n'est là qu'une innovation qui a été prise des gens du livre et qui a été introduite en islam par des innovateurs. Et il faut savoir que s'il y avait un quelconque bien dans le fait de célébrer cela, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons nous y auraient sans aucun doute devancé à partir du moment qu'ils ont eu la possibilité de le faire. Na'am. Et qu'ils ne l'ont pas fait. Na'am. Il faut savoir que le fait de le faire relève de l'innovation. Et il ne suffit pas de prétendre vouloir faire preuve d'amour vis-à-vis du messager sallallahu alayhi wa sallam. Car si tu veux réellement faire preuve d'amour vis-à-vis du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors tu te dois de suivre sa sunna. Et ce n'est pas en dérogeant à la voie qu'il a suivi sallallahu alayhi wa sallam que tu vas faire preuve d'un quelconque amour vis-à-vis de lui sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le fait de lire la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de s'instruire en matière de biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas juste le fait de lire la vie du prophète alayhi salatu wa sallam durant ce genre d'occasion innovée, non. Et le but, ce n'est pas de rechercher uniquement la bénédiction dans le fait de lire la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en suivant dans cela des coutumes. Car tout cela, en vérité, n'est d'aucun profit. Et le fait de spécifier certains moments pour accorder de l'importance à la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, puis suite à cela, la délaisser et tourner la page, ce n'est pas cela qui est profitable et qui est instructif. La vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est demandé, c'est de l'étudier sans cesse. Et le but, ce n'est pas uniquement de se limiter à la lire du début à la fin et de dire « on a lu la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam ». Non, ce n'est pas ça. Ce qui est voulu, c'est de s'instruire au sujet de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de pouvoir le suivre convenablement dans ses actes et dans ses paroles. Et c'est cela qui doit être recherché. وقد كتب الإمام ابن القيم رحمه الله كتابا عظيما في فقه السيرة وهو زاد المعاد في هدي خير العباد وكتب بعض المعاصرين كتابات منها ما هو صحيح ومنها ما هو سيء ومنهم من انحرف وجاء بالشركيات وحث على التبرك بالآثار وجعل هذا هو المقصود من قراءة السيرة ولكن هذا لا عبرة به لأن كلا ينفق مما عنده الذي عنده شيء جيد ينفق شيئا جيدا والذي عنده شيء رديء ينفق رديئا والحمد لله نسأل الله أن يهدينا وإياكم ويهدي هؤلاء إلى سواء السبيل وأن يردهم إلى الحق ونحن لا ننتظر بهم لئلا يصيبنا ما أصابهم ولكن نسأل الله العافية نسأل الله أن يهديهم وأن يردهم إلى الصواب فالمقصود من دراسة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الاعتبار والعمل والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ الأحكام منها هذا هو المطلوب لأن حياته صلى الله عليه وسلم كلها خير وكلها علم وكلها عمل صالح كلها جهاد وكلها دعوة وكلها تعليم حياته صلى الله عليه وسلم فائضة بالخير العظيم من جميع النواحي كلها عبادة فعلينا أن نعتني بسيرته صلى الله عليه وسلم والشيخ أخذ منها ستة مواضع مهمة والبقية موجودة في سيرته صلى الله عليه وسلم لكن هذه المواضع تتعلق بالعقيدة. Faut savoir que l'imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, il a composé un livre très instructif relatif aux leçons et aux enseignements à tirer de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce livre, il l'a intitulé Zadul Ma'ad fi Hadi Khayri al-Ibad. Livre qui a d'ailleurs, dans le résumé, a été traduit en langue française. Le résumé qui a été écrit justement par l'auteur de Sittat Mawadi' min as-Sira, qui n'est autre que le Cheikh de l'Islam Mohammed Imad al-Wahhab rahimahullah ta'ala. Le Cheikh Salih, hafidhahullah, de continuer en disant, et certains contemporains ont écrit également certains livres concernant ce sujet. Parmi ces livres-là, il en est qui sont authentiques, et parmi ces livres-là, il en est d'autres qui sont mauvais. Et parmi ceux qui ont composé à notre époque à ce sujet-là, il en est qui ont dévié et qui ont soutenu dans ces livres-là, qui sont pourtant relatifs à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains actes relevant du polythéisme, en incitant à rechercher la bénédiction dans certains vestiges anciens. Et cela, ce n'est pas ce qui est visé normalement par la lecture de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il ne faut prêter aucune attention à ce genre d'écrit-là. Et il faut savoir que chaque personne va donner de ce qu'elle a. Celui qui a en lui une bonne chose, il va fournir quelque chose de bon. Et celui qui a en lui une mauvaise chose, eh bien, il va fournir quelque chose de mauvais. Et les louanges sont à Allah. Et nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de nous guider et de guider également ces gens-là et de guider ces gens-là vers le droit chemin et de les ramener vers la vérité. Quant à nous, nous ne prêtons pas attention à ce genre d'agissement afin que nous ne soyons pas touchés par ce qui a touché ce genre d'individu. Et nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala d'être épargné et nous lui demandons de les guider et de les ramener vers le droit chemin. Il faut donc savoir que ce qui est voulu par l'étude de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait de prendre exemple de lui, Naam, le fait de faire preuve de conformité à sa voix en termes d'action, Naam, et également de profiter des règles religieuses qu'il a énoncées, et c'est ce qui est voulu. Il faut savoir que sa vie tout entière ne renferme que du bien, du savoir, des bonnes œuvres, de la lutte, Naam, et également de la prédication et de l'enseignement. La vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est remplie de bien sous toutes ses formes. Et sa vie n'était qu'adoration sallallahu alayhi wa sallam. Il nous est donc obligatoire d'accorder de l'importance à sa biographie sallallahu alayhi wa sallam. Quant au cheikh, c'est-à-dire l'auteur, il a sélectionné 6 événements de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam importants. Quant au reste des événements contenus dans sa biographie sallallahu alayhi wa sallam, ils sont présents et on peut y revenir. Cependant, les événements sélectionnés par l'auteur ici, ils ont trait à la aqidah, ils ont trait au dogme. Et c'est à partir de là donc que l'on se rend compte de leur importance. ثم قال الشيخ تعليقا على قول المؤلف لعل الله أن يفهمك دين الأنبياء لتتبعه ودين المشركين لتتركه هذا المقصود من دراسة السيرة أنك تفهم دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تفهم التوحيد لتتبعه وتفهم الشرك من أجل أن تجتنبه فلا يكفي أن الإنسان يعرف الحق فقط بل لا بد أن يعرف الحق ويعرف الباطل ويعرف الحق من أجل أن يعمل به ويعرف الباطل من أجل أن يجتنبه لأنه إذا لم يعرف الباطل وقع فيه وهو لا يدري فأنت عندما تسير في طريق وأنت لا تعرف هذا الطريق وفيه حفر وفيه مهاليك ربما تهلك وأنت لا تدري تقع في الحفر وأنت لا مدريت لكنك إذا درست الطريق فعرفت ما فيه من المسالك وما فيه من الأخطار فإنك تكون على بينة تتجنب المهالك التي في الطريق هذا في الأمور الحسية كذلك في الأمور العقدية من باب أولى فلا بد أن تعرف الباطل تعرف الشرك وما هي أنواعه وما هي أسبابه وما هي الوسائل التي توصل إليه حتى تتجنبها حتى تتجنبها يقول الشاعر عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل يقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه فلا بد من معرفة الخير ومعرفة الشر والبعض اليوم يقول تعرف الحق وليس من الضروري أن تعرف ما يضاده وهذا باطل لأنك إذا لم تعرف الباطل يظل خافيا فتضل عن الحق لا سيما ودعاة السوء ودعاة الضلال على استعداد لإضلال الناس. Suite à cela, le cheikh Salih Al-Fawzan, qu'Allah le préserve et le guérisse et allonge son existence dans son obéissance, a dit en commentaire de la parole de l'auteur, afin qu'Allah te fasse comprendre la religion, la réalité de la religion des prophètes, afin que tu la suives, et te fasse comprendre la réalité de la religion des polythéistes, afin que tu la délaisses. Il a dit, c'est ce qui est voulu de l'étude de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que tu connaisses et que tu comprennes la réalité de la religion des prophètes qu'Allah leur accorde ou qu'Allah les couvre d'éloges et les salue, que tu comprennes le tawhid afin que tu y sois conforme. Le tawhid, c'est l'affirmation de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, et c'est le plus éminent des ordres qu'Allah tabaraka wa ta'ala ait donné. Et que tu comprennes le polythéisme afin que tu t'en écartes. Et il ne suffit pas que l'individu connaisse uniquement la vérité. Il lui est plutôt impératif de connaître la vérité et de connaître le faux. Connaître la vérité afin d'œuvrer en conséquence et connaître le faux afin de s'en écarter. Car si jamais il ne connaît pas le faux, il va y tomber sans s'en rendre compte. Quant à toi, et c'est là un exemple que le Cheikh donne, quand tu chemines sur une voie et que tu ne connais pas cette voie, et que sur cette voie il y a peut-être des trous et des fossés et des obstacles et des endroits dangereux, il est possible que tu te fasses avoir par un de ces dangers-là sans que tu ne t'en rendes compte au préalable. Peut-être que tu vas être amené à être précipité dans un trou ou dans un fossé alors que tu n'avais pas connaissance de ce danger-là. Par contre, si au préalable, tu as pris le temps de faire connaissance, de connaître le chemin que tu vas prendre, alors à ce moment-là, tu connaîtras les différentes caractéristiques de ce chemin-là, de cette route-là, et tu pourras donc éviter les différents dangers qui risquent de se présenter à toi. Pourquoi ? Parce que tu feras preuve de clairvoyance et tu pourras ainsi t'écarter des endroits dangereux. Ça concerne les choses qui sont concrètes et visibles. Et il faut savoir qu'il en est de même concernant ce qui relève de la croyance et du dogme. Et nous pouvons même dire que cela concerne ce domaine-là à plus forte raison. Il est impératif que tu connaisses le faux. Il est impératif que tu connaisses le polythéisme, que tu connaisses les différentes sortes de polythéisme, que tu connaisses les causes qui mènent au polythéisme, que tu connaisses les moyens qui font arriver l'individu à associer à Allah tabaraka wa ta'ala. Et il t'incombe de connaître tout cela afin que tu puisses t'en écarter, que tu t'écartes du polythéisme sous toutes ses formes, que tu t'écartes de toute cause pouvant mener peu ou prou à ce polythéisme, et que également tu t'écartes de tout moyen pouvant t'y faire tomber. Et c'est dans ce cadre-là que le poète a dit: j'ai connu le mal, pas pour lui, mais plutôt pour en être prémuni. Car celui qui ne distingue pas le mal du bien finit par y tomber. C'est-à-dire dans le mal. Hudhayfa ibn al-Yaman, qu'Allah l'agré, ce noble compagnon m'a dit: les gens questionnaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos du mal, à propos du bien. Les gens questionnaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos du bien. Quant à moi, je le questionnais à propos du mal par crainte d'y tomber. Il est donc impératif de connaître le bien et de connaître le mal. Et certaines personnes en notre époque en sont arrivées à dire: attelle-toi uniquement, préoccupe-toi uniquement de connaître la vérité. Et il n'est pas nécessaire que tu cherches à connaître ce qui s'y oppose. Et ce genre de discours-là est totalement faux. Car si tu ne connais pas le faux, il va t'être caché. Et c'est ainsi que tu vas t'écarter de la vérité. À plus forte raison, lorsqu'on se rend compte qu'à notre époque, les prédicateurs du faux et ceux qui appellent à l'égarement sont prêts à égarer les gens. Et ce qu'a soutenu ici le Cheikh Saleh Al-Fawzan apparaîtra clairement à quiconque fait preuve d'un minimum de clairvoyance. ثم علق الشيخ على كلام المؤلف أما قال فإن أكثر من يدعي الدين ويدعي أنه من الموحدين لا يفهم السنة كما ينبغي. قال المشركون يتقربون إلى الله بالشرك يظنون أنه خير لأنهم لا يعرفون الشرك فصاروا يتقربون به إلى الله فهم يذبحون للأولياء والصالحين ويتبركون بقبورهم ويستغيثون بهم ويقولون نحن نعلم أنهم ليس لهم من الأمر شيء وأنهم لا ينفعون ولا يضرون لكن هم صالحون نريد منهم أن يتوسطوا لنا عند الله سبحانه كما قال الله عن أسلافهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم وهم يعترفون أنهم لا يضرونهم ولا ينفعونهم ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله اتخذوهم شفعاء فقط وفي الأخرى وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون لم يتعلموا فهم يحسبون أن هذا خير وهذا هو واقع غالب الناس اليوم الكثير من المنتسبين إلى الإسلام هذا واقعهم يتقربون إلى الله بالشرك مثل ما تقرب المشركون الأولون يذبحون للقبور وينظرون لها ويطوفون بها ويتبركون بها ويقولون ما عبدنا غير الله لكن هؤلاء رجال صالحون ونحن قصدنا أنهم يتوسطون لنا عند الله فقط والله يقول والذين اتخذوا من دون الله أولياء والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ما أرادوا الشرك ولا قصدوا وإنما ظنوا أنهم يؤدون عبادة وقربة إلى الله سبحانه يقربونهم إلى الله زلفى انظر كيف يأتي الشيطان إلى بني آدم وكيف يأتي شياطين الإنس إلى بني آدم ويزينون هذه الأمور نقول لهم أنتم ما تعبدون أصناما أنتم تتوسطون بالناس الصالحين بينكم وبين الله والله جل وعلا اعتبر هذا شركا فقال ويعبدون جعله عبادة ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى نزه نفسه عن ذلك فقال عما يشركون فسماه شركا وهم لا يسمونه شركا يسمونه طلب الشفاعة فيجب التنبه لهذا أنت درست في العقيدة أن الشرك حرام وأنه أكبر الكبائر وأنه لا يغفر لكن فهم الشرك أين هو؟ لا بد أن تعرف من أعمال الناس وتطبيقاتهم ما هو شرك وما هو توحيد هم يقولون هذا من التوسل بالأولياء والصالحين وهذا هو التوحيد وهذا يحبه الله وأن هؤلاء عباده وأنهم صالحون والله يحب هذا فيتقربون إلى الله بهؤلاء يسمونه الدين ويسمونه التوحيد ويسمون الشرك توحيدا لجهلهم وعمى بصائرهم suite à cela le cheikh Saleh Al-Fawzan a expliqué la parole de l'auteur car la majeure partie de ceux qui se réclament de la religion ou qui se réclament de faire partie des monothéistes ne comprennent pas la sunna comme il se doit. Le cheikh a dit en commentaire, les polythéistes cherchent à se rapprocher d'Allah par leurs actes de polythéisme, en pensant qu'ils sont en train de faire du bien. Et ce, étant donné qu'ils ne connaissent pas réellement le polythéisme. Et c'est ainsi qu'ils cherchent à se rapprocher d'Allah par leur polythéisme. Et c'est ainsi que tu vois qu'ils viennent sacrifier pour les saints et pour les hommes pieux et qu'ils viennent rechercher les bénédictions sur leur tombe et qu'il leur implore le secours, et ils disent, nous savons qu'ils ne détiennent aucune part dans la décision, et qu'ils ne peuvent ni nous apporter un quelconque profit, ni nous être préjudiciables. Cependant, ce sont là des personnes qui sont pieuses, et nous voulons d'eux qu'elles soient des intermédiaires pour nous auprès d'Allah subhanahu. Et cela, en réalité, rejoint ce que Allah tabaraka wa ta'ala a dit à propos de leurs ancêtres, c'est-à-dire à propos des ancêtres des polythéistes actuels. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, en les blâmant, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur être d'aucun profit. En se rendant compte ici que ces polythéistes reconnaissaient que ces individus qu'ils adoraient en dehors d'Allah ne pouvaient ni leur être nuisibles, ni leur apporter un quelconque profit. Et dans la suite du verset, Allah tabaraka wa ta'ala dit, et ils disent, ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Ce qui signifie que ces polythéistes, ils vouaient des formes d'adoration à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, tout en reconnaissant que ces associés à qui ils vouaient ces formes d'adoration ne pouvaient leur être aucunement nuisibles ni leur apporter un quelconque profit. Mais leur argument sur lequel ils se basaient, c'était de dire, ceux-là, ce sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Et dans un autre verset, Allah tabaraka wa ta'ala dit, en parlant toujours d'eux, et ils obstruent le droit chemin et ils pensent être bien guidés. Ils pensent être bien guidés car ils n'ont pas au préalable appris. Et c'est ainsi qu'ils commettent ces actes qui sont plus que répréhensibles et ils pensent être dans le bien. Et malheureusement, c'est là la réalité d'un bon nombre de gens à notre époque. Il y a beaucoup de gens qui se réclament de l'islam et qui pourtant sont en concordance avec cette triste réalité. Ils cherchent à se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala par le biais du polythéisme, comme ont pu le faire avant eux les premiers polythéistes, et ce, en sacrifiant des bêtes auprès des tombes ou en vouant des serments pieux auprès des tombes ou en accomplissant des circumambulations. Une circumambulation, c'est le tawaf. Vous connaissez le tawaf. Français appellent ça la circumambulation. Naam, les musulmans, ils font le tawaf autour de la Kaaba. Naam. Eh bien, tu trouves ces polythéistes qui font ces circumambulations, ce tawaf, autour d'autres que la Kaaba, autour de certaines tombes, autour de certains cimetières, autour de certains mausolées, autour de certaines autres mosquées, étant donné qu'elles contiennent des tombes, autour de certaines maisons peut-être, autour de certaines pierres. Et également, tu les trouves qui recherchent les bénédictions dans ces tombes-là. Et ils disent, nous n'avons pas adoré autre qu'Allah, car ces hommes-là, ce sont des hommes pieux, c'est-à-dire les hommes qu'ils adorent. Ce sont des hommes pieux. Et nous, notre but, c'est que uniquement ils soient des intermédiaires en notre faveur auprès d'Allah. C'est ça leur ambiguïté. Or, Allah tabaraka wa ta'ala a dit, et ceux qui prennent en dehors de lui, c'est-à-dire en dehors d'Allah, des alliés, disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent plus d'Allah. C'était déjà là l'argument qui était avancé par les polythéistes qui ont été fermement blâmés dans le Coran et dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Leur argument c'était ça. Le premier argument on l'a vu. Le fait de dire que ces hommes ou autres qu'ils considéraient comme des associés à Allah tabaraka wa ta'ala, ils étaient là pour intercéder en la faveur auprès d'Allah. C'était là une première ambiguïté et le shirk il a répondu. La deuxième ambiguïté c'est de dire, en vérité, ils ne font que nous rapprocher plus d'Allah. Donc ils n'ont pas voulu accomplir de polythéisme. Ils ne l'ont pas recherché. Et ils pensaient réellement que ce qu'ils étaient en train de faire, c'était, ça relevait de l'adoration et que ça allait rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regarde donc comment le diable se présente à la descendance de Adam. Et rends-toi donc compte comment les démons parmi les hommes se présentent à la descendance de Adam et leur embellissent ce genre d'acte plus que répréhensible. Nous leur disons, et le shirk dit, et nous leur disons, certes, vous n'adorez pas des idoles, mais vous prenez des intermédiaires parmi les hommes entre vous et Allah. Et il faut savoir qu'Allah Jalla wa Ala a considéré cela comme étant du polythéisme, car il a dit, et ils adorent, c'est-à-dire dans un des versets que l'on a mentionné précédemment, et ils adorent, c'est-à-dire il a considéré cette chose-là donc comme de l'adoration, et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur être d'aucun profit, et ils disent cela sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Donc tu te rends compte ici qu'Allah tabaraka wa ta'ala a considéré le fait qu'ils prennent ses associés en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala en les considérant uniquement comme étant des intercesseurs auprès de lui azza wa jal, comme étant du polythéisme. D'ailleurs à la fin de ce verset il dit subhanahu wa ta'ala amma yushrikun, glorifié soit-il, il est bien au-dessus de ce polythéisme qu'ils accomplissent. Il a donc qualifié cela comme relevant du polythéisme. Cependant, eux, ils n'appellent pas ça polythéisme. Ils appellent cela la recherche de l'intercession. Il est donc obligatoire d'être attentif sur cette chose-là, à savoir le fait que il faut impérativement faire la distinction entre la réalité de la chose et le nom que certains lui donnent. La réalité de ces genres d'actes-là, c'est qu'ils relèvent du polythéisme. Et peu importe après comment eux ils vont l'appeler. Ils peuvent l'appeler comme ils veulent, ça ne changera rien à la réalité de la chose. Ce qui nous importe, c'est la réalité de la chose ici, à savoir que c'est du polythéisme. Le shirk de continue en disant, quant à toi, tu as étudié le dogme et tu as eu l'occasion de te rendre compte que le polythéisme est interdit et qu'il est le plus grand des grands péchés et qu'il n'est pas pardonné. Cependant, reste à comprendre réellement ce qu'est le polythéisme. Tu sais que le polythéisme, il est interdit. Tu sais que c'est le plus grand des péchés. Tu sais qu'il n'est pas pardonné. Mais qu'est-ce donc que le polythéisme? C'est une question importante à se poser. Il est donc impératif que tu puisses reconnaître parmi les différentes pratiques des gens ce qui relève du polythéisme et ce qui relève du tawhid, l'affirmation de l'unicité, afin que tu puisses distinguer entre ces deux choses-là opposées. Quant à eux, c'est-à-dire ces polythéistes, ils disent cela ne relève que de la prise d'intermédiaire, le fait de prendre les saints et les pieux comme intermédiaires. Et c'est là la réalité du tawhid, ce qu'ils prétendent. Ces polythéistes, ils disent, le fait de prendre les hommes pieux, na'am, comme intermédiaires entre eux et Allah, c'est là la réalité du tawhid. Et ils prétendent que Allah aime cela, et qu'ils sont ses véritables serviteurs, et qu'ils sont pieux, et qu'Allah aime cela, et ils pensent se rapprocher d'Allah par l'intermédiaire de ces gens-là. Et ils appellent cela la réalité de la religion, et ils appellent cela le tawhid, l'unicité. Ils en sont donc arrivés à appeler le polythéisme tawhid, et ce du fait de leur ignorance, et du fait qu'ils sont aveuglés. هذا مقدمة استفدنا منها فائدة كبيرة. أولا أدركنا الغرض الذي لأجله ألف المؤلف هذه الرسالة، وثانيا أكد لنا الشارح حفظه الله تعالى أهمية التوحيد من جهة، وقبح الشرك من جهة أخرى، وثالثا أدركنا أهمية معرفة الباطل زيادة إلى معرفة الخير والحق، كما أننا تطرقنا لبعض التفاصيل المهمة في قضية التوحيد وضده الشرك بالله تبارك وتعالى. ومن المواضع التي اختارها المؤلف الموضع الثاني، قال فيه الموضع الثاني أنه صلى الله عليه وسلم لما قام ينذرهم عن الشرك ويأمرهم بضده وهو التوحيد لم يكرهوا ذلك، يقصد المشركين. لما قام النبي صلى الله عليه وسلم ينذرهم، أي ينذر المشركين عن الشرك ويأمرهم بضده وهو التوحيد، لم يكرهوا ذلك واستحسنوه، وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه إلى أن صرح بسب دينهم وتجهيل علمائهم، فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة، وقالوا سفه أهلها أحلامنا وعاب ديننا وشتم آلهتنا. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يشتم عيسى وأمه ولا الملائكة ولا الصالحين، لكن لما ذكر أنهم لا يدعون ولا ينفعون ولا يضرون جعلوا ذلك شتما. فإذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغض، كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية. فإذا فهمت هذا فهما جيدا عرفت أن كثيرا من الذين يدعون الدين لا يعرفونها، وإلا فما الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب والأسر والضرب والهجرة إلى الحبشة، مع أنه صلى الله عليه وسلم أرحم الناس، لو يجد لهم رخصة لأرخص لهم، كيف وقد أنزل الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فإذا كانت هذه الآية في من وافقهم بلسانه فكيف بغير ذلك. On a donc pu retenir de cette introduction plusieurs points importants, plusieurs enseignements. Premièrement, on sait à présent pourquoi l'auteur a écrit ce livre. Deuxièmement, l'auteur ainsi que le commentateur ont insisté sur l'importance capitale du tawhid et la gravité et la laideur de ce qui s'y oppose, à savoir le shirk, le polythéisme. Et également, on a pu se rendre compte de l'impérativité du fait de connaître la vérité d'une part, et de connaître également ce qui s'y oppose, savoir le mal et le faux. De même que l'on a pu se rendre compte de certains détails importants relatifs au dogme, relatifs au tawhid et à ce qui s'y oppose, ce qui nous permet de d'avoir connaissance de la réalité de la voix des prophètes d'une part et de la réalité de la voix des polythéistes d'une autre. Et on en arrive au second événement parmi les 6 événements sélectionnés par l'auteur. Dans ce second événement, l'auteur a dit, le second événement, c'est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dressé afin d'avertir les polythéistes contre le polythéisme et afin de leur ordonner de concrétiser son inverse, à savoir le tawhid, l'affirmation de l'unicité d'Allah, ils n'ont pas réprouvé cela et ils l'ont même plutôt bien perçu, à tel point que certains ont songé à y adhérer. Cependant, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis clairement à critiquer leur religion et à exposer l'ignorance de leurs savants, à ce moment-là, ils ont commencé à faire preuve d'animosité vis-à-vis de lui et vis-à-vis de ses compagnons, qu'Allah les agrée, et ils lui ont déclaré la guerre. Et il disait à ce moment-là, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous considère, il nous prend pour des idiots, et il critique notre religion, et il insulte nos divinités. Pourtant, il est connu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas insulté Isa, ni sa mère, ni les anges, ni les hommes pieux. Cependant, lorsqu'il a commencé à dire qu'ils ne doivent pas être invoqués en dehors d'Allah, et lorsqu'il a commencé à expliquer qu'ils ne peuvent apporter aucun profit et qu'ils ne peuvent pas être nuisibles, les polythéistes ont considéré cela comme étant des insultes. Lorsque tu connaîtras cela, tu saisiras que la religion de l'individu ne peut être effective et droite même s'il affirme l'unicité d'Allah et délaisse le polythéisme, si ce n'est en considérant les polythéistes comme ennemis et en faisant ouvertement part de cela et également de la détestation qu'il éprouve à leur égard. Comme Allah l'exalté l'a dit, tu ne trouveras pas de gens qui croient en Allah et au jour dernier éprouver de l'amour vis-à-vis de ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, jusqu'à la fin donc du verset de Sourate Al-Mujadala. Lorsque tu comprendras correctement cela, tu sauras que bon nombre de ceux qui se réclament de la religion n'ont pas réellement compris sa réalité. Sinon, qu'est-ce qui a mené les musulmans à faire preuve d'autant d'endurance face aux châtiments qu'ils ont pu subir et face au fait qu'ils aient été faits prisonniers et qu'ils se soient fait frapper, à tel point qu'ils en sont arrivés pour certains d'entre eux à émigrer jusqu'à l'Abyssinie. Cela alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le plus miséricordieux des gens. Et si jamais il avait trouvé un moyen de leur permettre de rester et de ne pas en arriver à quitter leur pays pour émigrer donc à l'Abyssinie, il l'aurait fait. Et comment serait-il autrement alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala a révélé le verset suivant dans Sourate Al-Ankabut, et parmi les gens, il en est qui disent « Nous croyons en Allah Et lorsqu'ils subissent pour la cause d'Allah des préjudices, ils commencent à considérer les épreuves émanant des gens au même niveau que le châtiment d'Allah. Et il faut savoir que si ce verset concerne ceux qui en sont arrivés suite à ces préjudices subis à faire montre d'accord vis-à-vis des polythéistes avec uniquement leur langue, qu'en est-il de ceux qui sont allés plus loin encore ? Ici donc c'est ce premier passage que l'on va essayer d'étudier ensemble afin d'arriver à un point très important. Barakallahu fikum. وكأننا نبدأ الآن والوقت انتهى لا انا en train de commencer on a le sujet et c'est l'heure. La donne au moins la 27. Ami Salah nous a donné jusqu'à moins le quart. والله المستعان. طيب الشيخ صالح قال تعليقا على المقطع الأول: لو كان يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك عموما ولم يتعرض لما هم عليه وهم يقولون الذي نحن عليه ليس بشرك، الذي نحن عليه تقرب إلى الله بالأولياء والصالحين ونحن لا نشرك بالله، إنما هذا تقرب إلى الله وتوسل إليه، ولو أن الرسول صلى الله عليه وسلم اقتصر على النهي عن الشرك دون تفصيل وبيان لما اعترضوا عليه لأنهم يرون أنهم غير مشركين. Ici donc le Cheikh Saleh explique le premier passage en disant que si jamais il s'était contenté, c'est-à-dire le prophète alayhi salatu wassalam, d'ordonner aux polythéistes d'affirmer l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala et leur avait interdit uniquement de manière générale le polythéisme, ils ne se seraient pas opposés à lui. Car eux, ce qu'ils disaient, c'est qu'ils n'étaient pas en train de faire du polythéisme. Et ils disaient qu'ils ne font que chercher à se rapprocher d'Allah par le biais des différents serviteurs pieux et alliés d'Allah. Et ils disent, ou ils disaient, qu'ils n'étaient pas en train de faire du polythéisme ou d'accorder des associés à Allah. Et que donc tout cela ne revenait qu'à se rapprocher de lui et à chercher à prendre des intermédiaires ou à avoir recours aux moyens afin de se rapprocher d'Allah. Et si jamais le messager sallallahu alayhi wa sallam s'était contenté de réprouver le polythéisme sans entrer dans les détails et sans clarification et éclaircissement, il ne se serait pas opposé à lui, étant donné qu'ils considéraient qu'ils n'étaient pas des polythéistes. ثم قال تعليقا على المقطع الثاني لم يكرهوا ذلك واستحسنوه وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه إلى أن صرح بسب دينهم وتجهيل علمائهم فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن سقي العداوة. قال الشيخ صالح حفظه الله: أي لأنهم يفسرون الذي هم عليه أنه ليس بشرك، لكن عندما تقول لهم هذه الأضرحة وهذه القبور التي تعبدونها وتنظرون لها وتذبحون لها عملكم هذا هو الشرك، عند ذلك تثور ثائرتهم: هذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، نهاهم عن عبادة اللات والعزى ومنات والأصنام، وقال لهم: لستم على شيء، وهؤلاء الذين يدعونكم إليها هؤلاء علماء ضلال. فحينما قال لهم ذلك ثارت ثائرتهم حمية لدينهم، وهذا هو الذي عليه غالب العالم اليوم. Suite à cela, le Cheikh Saleh a dit en commentaire de la parole de l'auteur qui expliquait que les polythéistes, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à les appeler de manière générale à l'affirmation de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala et a commencé de manière générale à les mettre en garde contre le shirk, ils n'ont pas réprouvé cela et ils l'ont même plutôt bien perçu et ils ont même commencé à songer à y adhérer. Et ce, jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il critique ouvertement leur religion et qu'il expose l'ignorance de leurs savants. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont fait preuve d'animosité vis-à-vis de lui et vis-à-vis de ses compagnons et qu'ils ont montré ouvertement l'adversité, ou plutôt donc le fait donc qu'ils ont ouvertement extériorisé l'aversion qu'ils éprouvaient vis-à-vis d'eux. Le Cheikh Saleh a donc dit ici, la cause de cela, à la base, c'est qu'ils ne considéraient pas que ce qu'ils faisaient c'était du politisme, comme nous l'avons déjà vu. Et si tu es mené à leur dire que ce sont là des mausolées, ou que ce sont là des tombes que vous êtes en train d'adorer, et pour lesquelles vous êtes en train de vouer des serments pieux, et auprès desquels vous sacrifiez, que cela c'est le polythéisme, c'est à ce moment-là qu'ils commencent à sortir d'eux. Et c'est ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a réprouvé d'eux le fait qu'ils adoraient Al-Lat, Al-Uzza et Manat, qui font partie des principales idoles des Arabes, et également l'ensemble des autres idoles. Et il leur disait, vous ne reposez sur rien. Et ceux-là que vous êtes en train d'invoquer, ou plutôt excusez-moi, et ceux-là qui sont en train de vous appeler à invoquer et à adorer autre qu'Allah, ce sont des savants de l'égarement. Et lorsqu'ils ont dit cela, lorsqu'il leur a dit cela, ils ont commencé à sortir de leur gonds, et ce, du fait de leur esprit partisan et de leur attachement à leur fausse religion. Et c'est malheureusement la réalité amère d'une majorité de nos contemporains. ثم قال الشيخ تعليقا على قول المؤلف وقالوا يعني المشركين وكانوا يقصدون في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سفه أحلامنا وعاب ديننا وشتم آلهتنا. قال الشارح لو أنه ما شتم آلهتهم ولا عاب دينهم ما قالوا له شيئا فلو اقتصر على قوله الشرك قبيح والتوحيد طيب ولا عاب آلهتهم ولا سب دينهم لما عارضوه. En commentaire de la parole de l'auteur, lorsqu'il a mentionné que les polythéistes ont dit en visant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de nous traiter d'idiots, et il est en train de critiquer notre religion, et il est en train d'injurer nos divinités, le Cheikh Saleh a dit, si jamais ils n'avaient pas critiqué leur divinité, et qu'ils n'avaient pas critiqué leur religion, ils ne lui auraient rien dit. Et si jamais ils s'étaient contentés de dire, le polythéisme est laid, et le tawhid est bon, et qu'ils n'avaient pas critiqué leur divinité, et qu'ils n'avaient pas critiqué leur religion, ils ne se seraient pas opposés à lui, sallallahu alayhi wa sallam. ثم قال المؤلف ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يشتم عيسى وأمه ولا الملائكة ولا الصالحين. وقال الشارح الرسول صلى الله عليه وسلم ما سب الصالحين وإنما سب عبادة غير الله عز وجل وبين أن أنبياء الله وعباده الصالحين والملائكة لا يرضون أن يعبدوا من دون الله. L'auteur a dit, il est connu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a ni insulté Isa, ni sa mère, ni les anges, ni les hommes pieux. Le commentateur a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas insulté les pieux. Et il n'a fait que critiquer le fait d'adorer autre qu'Allah. Et il a exposé le fait que les prophètes d'Allah et que ses pieux serviteurs, de même que les anges, n'agré pas le fait d'être adoré en dehors d'Allah. ثم قال المؤلف فإذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغض كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر الآية. قال الشارح لما قال إن عيسى لا ينفع ولا يضر وإن الملائكة لا تنفع ولا تضر وإن الصالحين لا ينفعون ولا يضرون عدوا أو معذرة عدوا ذلك تنقصا للصالحين ويقولون لأهل التوحيد أنتم لا تبنون على أضرحتهم وهذا من حقهم علينا يقولون حقا علينا إكرامهم والبناء على قبورهم هذا من حقهم علينا وهذا من تقديرهم وعندما نتوسل بهم إلى الله هذا من تقديرهم وتعظيمهم وأنتم تقولون هذا باطل ويعتبرون هذا شتما وسبا لهم هذا الذي يفسرون به أعمالهم وهذا موجود الآن على ألسنتهم وفي كتبهم وفي كتبهم. Suite à cela donc, l'auteur a dit, lorsque tu comprendras cela, lorsque tu connaîtras cela, tu sauras que la religion de l'individu ne peut être effective et droite, même s'il affirme l'unicité d'Allah et délaisse le polythéisme, qu'en faisant preuve d'aversion vis-à-vis des polythéistes et en faisant montre ouvertement de cela, c'est-à-dire en faisant montre ouvertement de cette aversion et de ce sentiment de détestation, comme Allah l'exalté l'a dit dans le verset que j'ai déjà eu l'occasion de lire et de traduire approximativement. Au préalable, tu ne trouveras pas de gens qui croient en Allah et au jour dernier éprouver de l'amour pour ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Le Cheikh Saleh Al-Fawzan a dit en commentaire de cela, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que Isa, c'est-à-dire Jésus, ne peut ni apporter un quelconque profit, ni être nuisible de quelque forme que ce soit, et lorsqu'il a déclaré que les anges ne peuvent pas non plus apporter un quelconque profit et ne peuvent pas non plus être nuisibles, et qu'il en est de même concernant les pieux, ils ont considéré cela, c'est-à-dire les polythéistes, ils ont considéré cela comme étant un manque de respect vis-à-vis des pieux serviteurs d'Allah. Et ils ont dit aux adeptes du tawhid, vous ne bâtissez pas sur les tombes. Or, le fait de bâtir des édifices sur les tombes relève du droit qu'ont les habitants de ces tombes vis-à-vis de nous. Et ils disent, il est un droit qu'ils ont sur nous, que nous les honorions, et que nous bâtissions sur leurs tombes des édifices. Et cela fait partie du respect qu'il nous incombe de leur accorder. Et ils disent également, c'est-à-dire les polythéistes, quant à nous, lorsque nous les prenons comme intermédiaires auprès d'Allah, nous ne faisons que faire preuve de respect vis-à-vis d'eux et nous ne faisons que leur accorder leurs droits. Et il s'adresse aux partisans du Tawhid en disant, quant à vous, vous prétendez que c'est là quelque chose de faux. Et les polythéistes considèrent cela de la part des adeptes du Tawhid comme étant des insultes et des injures à l'égard ou à l'encontre des habitants de ces tombes. Et c'est ainsi qu'ils considèrent et qu'ils expliquent leurs agissements. Donc, ils considèrent que leurs agissements ne relèvent que du droit qu'ont les gens pieux vis-à-vis des autres. Et comme le dit le Cheikh ici, malheureusement, ce genre de discours-là et ce genre d'arguments-là sont présents à notre époque, à la bouche de ces gens-là et également dans leurs livres. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى هناك من ينتسبون للدعوة والعلم ولا يرضون بمعاداة الكفار ويقولون إنما أمرنا أو أمرنا بعداوة المحاربين فقط يقولون نعاديهم لأنهم حاربونا لأنهم أخذوا أوطاننا أما أن نعاديهم من أجل دينهم فلا نعاديهم والله جل وعلا قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم فلم يقتصر على المحاربين فقط بل إن الله جعل سب ماذرة بل إن الله جعل سبب الكره لهم هو المحاداة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وأي محاداة لله ورسوله أعظم من الكفر وأعظم من الشرك بالله عز وجل لا تجوز مودة الكفار كلهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض يعني محبوبين ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. Suite à cela, le Cheikh Saleh, dans son commentaire, a continué en disant « Il est certaines gens qui se réclament de l'appel et de la prédication à Allah et qui se réclament du savoir religieux et qui n'agréent pas le fait de se déclarer ennemis des mécréants. Et ils disent « Il nous a été ordonné uniquement de prendre comme ennemis ceux qui font preuve d'animosité vis-à-vis de nous. » Et ils disent, nous les considérons comme ennemis, car ils nous ont déclaré la guerre, car ils nous ont pris nos pays. Quant au fait de faire preuve d'aversion vis-à-vis d'eux à cause de leur religion, alors ce n'est pas là quelque chose de correct, selon leur conception à eux. Or, Allah Jalla wa Ala a dit, tu ne trouveras pas de gens qui croient en Allah et au jour dernier éprouver de l'amour pour ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-il leur père, leur fils, leur frère ou les membres de leur tribu. Donc tu trouves qu'ici, Allah tabaraka wa ta'ala ne s'est pas limité à la mention de ceux qui déclarent la guerre aux musulmans. Mais il a plutôt exposé que la cause de l'aversion, que la cause de la détestation qui doit être dans nos cœurs vis-à-vis d'eux, c'est le fait de s'opposer à Allah et de s'opposer à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et quelle pire opposition à Allah et quelle pire opposition à son messager sallallahu alayhi wa sallam que la mécréance et que le fait d'associer, d'accorder des associés à Allah azza wa jal. Il n'est pas permis d'éprouver de l'amour pour les mécréants, peu importe leur bord. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, ô vous qui avez la foi, ne prenez pas comme alliés les juifs et les chrétiens, car ils sont les alliés les uns des autres. Et il a également dit, dans un autre verset, et quiconque parmi vous les prend comme alliés, fait certes partie d'eux. Certes, Allah ne guide pas les gens injustes. Et il a également dit dans notre verset, ne prenez pas mon ennemi et le vôtre comme alliés, en faisant preuve d'amour vis-à-vis d'eux, alors qu'ils ont mécru à ce qui vous est venu comme vérité. C'est donc ici quelque chose d'important. Ne pas tomber dans cet extrême. Et je terminerai avec une brève parenthèse concernant ce passage. Le Cheikh ici a condamné un extrême. Et toi, tu te dois d'être vigilant quant aux extrêmes. Et tu te dois d'être sur une voie de juste milieu. Le juste milieu qui consiste à être en conformité avec les textes du Coran et de la Sunna selon la compréhension des plus prédécesseurs de cette communauté. Ici, le Cheikh, il est en train de condamner un extrême, à savoir ce laxisme qui en pousse certains à dire que, religieusement, il ne nous est pas demandé d'éprouver de l'aversion ou de la détestation vis-à-vis des mécréants, sauf si ils nous déclarent la guerre, en prétendant que la cause de cette aversion, ce n'est pas la religion. Et donc ici, la réponse du Cheikh est largement suffisante et je pense que vous l'avez bien assimilée وَلِلَّهِ الْحَمْدِ. Et il y a un autre extrême. Cet autre extrême, c'est celui qui pousse certains à outrepasser les limites de cette détestation et de cette aversion jusqu'à faire preuve d'injustice vis-à-vis de ces mécréants. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser le terme mécréant. Et il ne faut pas avoir peur d'utiliser ces termes détestation et aversion. Non, mais il faut que nous soyons, barakallahu fikum, bien au point quant à ce sujet-là et que nous sachions faire la distinction entre les choses. Le fait que tu doives obligatoirement faire preuve d'aversion, faire preuve de détestation vis-à-vis d'eux, c'est dû à quoi ? C'est dû au fait qu'ils s'opposent à Allah tabaraka wa ta'ala et à son messager. Qu'ils soient hostiles ou qu'ils soient pacifistes. Par contre, la différence va intervenir entre ceux qui parmi eux sont pacifistes et ceux qui sont hostiles dans la manière que tu vas avoir de te comporter avec eux. Celui qui est pacifiste, tu vas être amené à être avenant avec lui, non, à faire preuve d'une certaine douceur, faire preuve de tact avec lui. Contrairement à celui qui est hostile et qui extériorise cette hostilité jusqu'à en venir à combattre les musulmans, que ce soit par sa langue ou par la force. Cette personne-là, tu ne feras pas preuve du tact dont tu faisais preuve avec cet autre type de personne. Et tu ne seras pas avenant avec elle du fait de son hostilité. Par contre, dans les deux cas, la détestation et l'aversion est bien présente dans le cœur. Pour quelle raison ? Car il s'oppose à Allah, tabaraka wa ta'ala, et à son messager. À partir de là, tu comprends que ces deux extrêmes sont à éviter. D'une part, ce laxisme qui amène certaines personnes qui se réclament de l'islam à faire preuve d'amour vis-à-vis des mécréants, et également cette exagération qui en pousse d'autres à faire preuve d'injustice vis-à-vis des mécréants en disant qu'à partir du moment où ils sont mécréants, alors on peut tout se permettre avec eux. Et ça amène à ce que ça amène, comme vol, comme escroquerie, comme attentat et comme autre manifestation de ce genre d'injustice. Cette distinction que j'ai faite ici est présente dans le livre d'Allah, Tabaraka wa ta'ala. Allah a dit dans son noble livre: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولاهم فأولئك هم الظالمون. Allah ne vous interdit pas Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu pour la religion, chassé de vos demeures et ont aidé à votre expulsion, et ceux qui les prennent pour alliés, ceux-là sont les injustes. Donc tu retrouves la distinction qui est faite entre ceux qui sont pacifistes d'une part et ceux qui sont hostiles d'une autre. Et cette distinction-là va se manifester dans la différence de comportement vis-à-vis d'eux. Par contre, à la lumière du verset qu'on a été amené à réciter à plusieurs reprises, à savoir la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, « La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuadduna man haddallaha wa rasoola » l'ayat, tu ne trouveras pas de gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui éprouvent de l'amour pour ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. À la lumière de ce verset-là, tu sais que dans tous les cas, peu importe que le mécréant soit pacifiste ou hostile, tu dois avoir dans ce cœur cette aversion et cette détestation qui est due à la cause qui est mentionnée dans ce verset, à savoir le fait de s'opposer à Allah et à son messager. Et on va s'en tenir à cela. Et on n'est pas arrivé au sujet auquel je voulais en arriver. Je vous invite donc à venir demain, après la prière d'Al-Maghrib, afin que l'on clôture ce sujet-là, bi-idhnillah, qui est très important, et qu'on le fasse suivre par le sujet qui était prévu à la base pour demain, à savoir le sujet de la hijra, l'émigration, le fait de quitter les terres impies afin de se diriger vers les terres d'islam. Ce sont des sujets, barakallahu fikum, très importants, surtout à une époque où les gens du faux cherchent à semer le trouble dans l'esprit des gens à ce sujet-là. Et toujours donc ces deux extrêmes, le laxisme du nôtre et l'extrémisme, l'autre extrême, l'exagération, notre part. Et vous, le laxisme, vous le constatez, et l'exagération aussi, surtout dans la manière... malhonnête que certains ont de parler de ce genre de sujet et qui cache derrière le sujet de la hijra le fait de venir se rajouter à des mouvements et des groupuscules de khawarij comme on peut le voir dans certains pays, et ça sera le sujet donc de demain. Wallahu inshallah, wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.